se voit à la chérie. Oh, oh, oh, qui la femme de ma vie. Osali nécessaire dans ma vie. La conséga, dans la réconciliation. Baby. mama.